Pour vos différents travaux en mécanique, l'équipe de Jean Lapierre Mécanique est la solution. Une équipe d'experts qui saura bien vous conseiller et ce, à prix fort compétitif. De plus, nous faisons la réparation et la vente de remorques et nous sommes détaillants autorisés de la marque Gator. Jean Lapierre Mécanique, au 448 Principal à Saint-Prime, au 418-251-1394. Toute notre équipe est fière de commanditer la chronique du hockey mineur de Robertval avec Hugo Maltais et souhaite une bonne année à tous les joueurs. Ah, ça, on retrouve encore une fois cette année Hugo Maltais avec la chronique du hockey mineur de Robertval. On a une chronique du hockey mineur de Lebeau, mais là on a elle de Robertval également qu'on va recommencer cette année. Salut Hugo! Salut! Hugo, on a un commanditaire cette année, Jean Lapierre Mécanique de Saint-Prime, qui commandite cette chronique. Hugo, si on parlait un peu de la première nouvelle, on va parler des inscriptions. Comment ça va cette année, encore une fois? Cette année, pour l'instant, nous, les inscriptions, on est en baisse. Ah oui, OK. Puis, honnêtement, je pense que pour l'instant, je sais pas si c'est une question là de, je sais pas si c'est une question de double lettre, parce que nous, les jeunes, là, autant de Robertval, ben, les jeunes de Robertval font en sorte que dans le Pee-Wee, ils vont jouer à Saint-Pitien, s'inscrire à Saint-Pitien, dans le Bantam à Mastoyache. Donc, je sais que ça fait quand même une différence sur notre ratio. Mmh. Donc, habituellement, là, on parle d'à peu près de 140 à 140 joueurs, environ 150 joueurs. Cette année, là, on parle là, de 105 joueurs à peu près. OK. On sait pas, on n'a pas fait encore le tour, là, à savoir ça a-tu un lien avec avec Mastoyache. Ouais. Début janvier, on est obligé d'aller jouer au hockey à Mastoyache. Est-ce que ça a là une influence sur les gens? Cette affaire-là, ben peut-être que pour des gens, là, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes on a des belles conditions, mais on n'a pas les mêmes conditions que qu'habituellement. Ça fait est-ce que ça fait en sorte que ben les gens sont restés chez eux puis ont dit ben cette année on va attendre, on jouera pas au hockey. Des bonnes chances. Ben ça peut. Moi je pense que oui. Là. Et ça fait que chez les jeunes, là, si je prends ben dans des catégories comme habituellement, puis oui, puis le bantam, où est-ce que j'avais toujours un bantam A puis un bantam B. Là, j'ai juste un bantam. Puis fusionner puis le midget, où est-ce qu'on a deux équipes midget, ben j'ai juste une équipe. Fait que dans trois catégories, puis oui, bantam midget, j'ai juste une équipe par catégorie. Okay. Puis à des ratios, des fois, pas idéales. Mm. Le midget, quand t'es 20 pour faire une équipe, c'est pas pire, parce que ces jeunes-là, ils travaillent quasiment tous, ça fait qu'ils sont jamais toute la gang ensemble. Mais quand t'es 15 puis t'es 16 dans le pee-wee, puis eux autres sont tout le temps là, ben là, tu peux pas faire deux équipes de 8 parce que t'es pas capable de jouer. Mais on s'entend qu'une équipe de 16, c'est trop aussi, là. Mm. Fait qu'on a des casse-têtes comme ça, puis tu te ramasses à une équipe comme dans le bantam, c'est juste du bantam A qu'on a. Mais c'est pas tous des jeunes de calibre bantam A, puis ça, c'est une réalité. Fait que là, c'est ça qui mis le bout, tout ça bout pour bout. Ben, c'est pas quelque chose qui est nécessairement... Ça fait un début d'année plus difficile. Ouais, ouais, c'est clair. C'est fait un début d'année plus difficile. C'est sûr que... Puis là, est-ce que tu penses qu'il va en rentrer d'autres? On l'espère. C'était au mois de septembre. Mais... C'était 5-6 septembre. Donc, il me semble que s'il y aurait eu à rentrer, il serait déjà rentré. Hein? Oui. Puis là, ben le problème, c'est que les gens qui travaillent... Tu sais, si je prends comme M. Michel Garneau, qui est responsable de la ligue du Saint-Lolette, ben lui, a commencé ses horaires. Fait qu'à un moment donné, je peux pas arriver puis dire, ben, regarde, je viens de me trouver, dans trois semaines, je viens de me trouver 6 pee-wee, puis je vais faire un pee-wee A puis un pee-wee B quand toutes ces horaires vont être faites, puis ça va avoir des répercussions sur toutes les équipes, au Lac-Saint-Jean, puis dans certaines catégories, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que là, c'est sûr que là, il y a une limite, là. Tu sais, je veux dire, si les gens avaient à s'inscrire, là. Je te dis que le deadline est pas mal cette semaine ou la semaine prochaine, parce qu'après ça, on sera plus capable de rien faire. Puis moi, je pense pas, honnêtement, que je suis d'accord avec toi que si les gens avaient eu à s'inscrire au hockey, ils l'auraient déjà fait. Ben oui, c'est clair. Ouais. C'est... Comment tu vous trouves, Mastoyache, à date? Je parlais avec les Sabres, j'ai une chronique des Sabres d'Oberval, puis Patrice Gagnon, qui est l'entraîneur, dit « C'est correct, là, mais c'est sûr qu'on a hâte que ça, de revenir dans nos affaires, là. » Ben, c'est sûr. Ben, moi, personnellement, j'ai pas un mot à dire. Ouais. Je peux honnêtement te confirmer que J'ai sensiblement les mêmes heures de glace qu'à Mastoïde, qu'à Roberval, là, peut-être à une ou deux heures près, mais pas quelque chose qui fait en sorte que pas quelque chose qui fait que c'est dramatique. Puis je peux même te dire que avec la conjoncture que je vais avoir, où est-ce que j'aurai pas deux piouis, j'aurai pas deux bantams, ben je pense qu'honnêtement, je vais retrouver les mêmes sensiblement les mêmes conditions avec les équipes vont avoir certainement deux heures de pratique. Puis fait que je pense pas qu'il y ait d'influence vraiment là-dessus. La seule différence, c'est mes heures. Okay. Les petits novices, avant ça, je commençais le samedi puis le dimanche à 9h avec les petits novices, puis il faut que je commence à midi. Okay. Puis que mes parties, habituellement, j'étais capable d'en jouer le matin, puis en début d'après-midi, puis que là, à Mastoyage, ben je vais être souvent pris pour jouer, mettons, vers 3h l'après-midi, 4h, puis descendre vers 6-7h, mais tu joues au pied quand même. Là. Mes parties vont être décalées sur l'horaire, mais je vais avoir encore sensiblement la même quantité d'heures de pratique puis de parties, fait que je suis quand même... Je peux pas me plaindre. Pour le hockey, je peux pas me plaindre. OK, OK. Dis-moi, dans les ligues, maintenant, comment ça va? Dans les ligues, ben ça va bien aller. On commence, là... Les ligues Saint-Pélette va commencer bientôt. Les ligues Saint-Pélette commence à partir du 14 octobre. OK. Il y en a qui vont commencer. J'ai trois catégories. Puis oui, Bantam Midget qui commence à partir du 14 octobre. L'Atome des juniors, parce que le junior, c'est la même affaire. Là. L'Atome, ils ont des leçons obligatoires à suivre. Puis le junior, ben, c'est toujours plus compliqué là, de trouver des joueurs. Et qu'eux autres, ils commencent la fin de semaine du 20 octobre. Okay. Dans le double lettre, ben, ça a commencé en fin de semaine. Ben, moi, chez moi, dans l'Atome 2B, ça commence la fin de semaine du 14 octobre. Mais dans le Pee-Wee, c'est en fin de semaine que ça commence. Puis dans le Bantam, ça a commencé la semaine dernière. Ça, ça continue, là, l'envol est pris là, dans le double lettre. On débute là, notre saison, là, nos saisons, là, soit là, dans le double lettre cette semaine, puis dans le simple lettre dans deux semaines. OK. Au niveau maintenant des bénévoles de ce côté-là, c'est bon encore cette année? Le CA est renouvelé? Comment ça va? Là? Nous autres, on n'a pas de problème au niveau de notre voilà. OK. Je veux dire, on n'a pas une foule, là. Mm. On refuse pas personne, mais on a le même nombre. Cette année, il y a un monsieur qui a pris sa retraite, qui est quitté. Puis on avait deux, trois personnes qui étaient prêtes à prendre la relève, puis à embarquer, puis nous donner un coup de main. Fait que, on est correct. Au niveau des bénévoles, ben, c'est toujours la même affaire, là. Tout le monde attend de voir s'il y en a pas un qui s'implique. Puis un coup que là, ben, tout le monde voit qu'il y a personne qui s'implique, ben là, le tord un bras un petit peu, puis là, dire, ah, ben, si je le coach avec lui, puis si je le fais avec lui, puis si je le fais avec lui, ça va être correct. Mmh. Mais tout le monde, au premier coup d'œil, ils veulent pas trop nécessairement s'impliquer. Là. Mais on finit toujours par avoir nos entraîneurs dans nos équipes. Puis dans le Pee-Wee, on a tous nos entraîneurs Bantam Midget cette année. On a tous nos staffs d'entraîneurs, puis honnêtement, là, des staffs de qualité, fait que ça, par rapport à ça, on est bien satisfait. Hey, comment t'as trouvé que Dolbo Mistassini, qui a fait 12, qui va faire, ben, on va le confirmer demain dans le cadre de la chronique du hockey mineur de Dolbo, mais c'est 12 000, ça va être 12 000 $ finalement, le profit avec le match des Saguenayens. C'est rendu un incontournable, ça va être dans le haut du lac, là. C'est win-win. Ben, les Saguenayens sont gagnants, puis les hockey mineurs sont gagnants aussi. C'est clair. Ouais. C'est clair. Je veux dire, je pense que ça va devenir des. Je pense que ça va devenir des beaux moyens de financement. C'est un beau moyen de financement. Mmh. Puis les gens qui aiment ça, le hockey, ben ça les dérangera jamais d'aller encourager un hockey mineur pour aller voir une partie de hockey. Mmh. Puis sur le bout de bord, ben, t'as plus besoin de vendre du chocolat, puis de tanner les gens. Puis ça va donner la chance à d'autres organismes de faire des campagnes de financement. Puis que toi, t'es capable, au mois de fin août, ta campagne est faite. Puis ça donne la chance à la gymnastique, à toutes sortes d'autres activités, ben, de pouvoir faire leur campagne de financement. Puis on se dédouble pas les municipalités se dédoubleront pas dans les activités puis dans les campagnes de financement. Donc, je pense que tout le monde va trouver son compte là-dedans. Puis ça peut être quelque chose de très, très, très intéressant. Puis tant mieux si là, ça a été Dolbo, ça a été Roberval. Si une autre ville ben, qui veut le faire, ben moi je pense que. On ne sera jamais perdant. Je ne te dis pas que le monde va faire 12 000 comme à Dolbo Mistassini parce que les caisses populaires ont été très généreuses de doubler le montant qu'ils faisaient. Mais quand même, c'est t'enlèves le 5-6 000 de la caisse populaire, ben Dolbeau, là, qui est 5-6 000, comme... ben 6 000 comme nous autres. Bon, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que... Avec pas avec des Samuel Girard puis rien, là, ceux qui les ont embarqués. Je pense que s'il y a d'autres hockey mineurs avant Roberval puis Dolbeau qui veulent saisir la balle au bon, ben moi je pense que c'est quelque chose de réalisable puis de vraiment intéressant. Là. Je le souhaite. Sinon, ben regarde, Roberval puis Dolbeau, ben on l'a déjà organisé, on est sûrement capable de le refaire puis de. On va sûrement reprendre notre tour si personne ne veut le faire. J'ai hâte de voir la réponse de Saint-Félicien, parce que Saint-Félicien, ce qu'on me dit, c'est que l'aréna est pas assez grosse pour faire ça. Par contre, on peut charger un peu plus cher, puis on va revenir dans les mêmes... Dans les mêmes... Ben, au lieu de 15, ça peut être 20. Puis, deuxièmement, ben... tu sais, pour les Saguenayens, ben moi, je parle avec Marc Langlois, le relationniste au match de Dolbeau, puis il me disait... Il me disait que, regarde, écoute, les Saguenayens, c'est bon pour nous autres aussi parce qu'il n'y aurait pas plus de monde à Chicoutimi, puis ça fait connaître notre produit et c'est des nouveaux partisans. Donc, c'est pour ça que ils vont être win-win. C'est win-win, cette affaire-là. Ah, ça, c'est clair. Ça, c'est clair que c'est win-win. Puis, effectivement, tu n'auras pas... quand les partisans concours des Saguenayens à Chicoutimi, au Saint-Georges, quand ils ont 1000 personnes, là, c'est beau aussi. Là, je veux dire, il n'y a pas 3000 personnes... d'un match leur concours. Fait que ça fait connaître tout le monde. Puis les Saguenayens font un profit de l'argent avec ça un peu. L'hockey mineur en fait l'autre base. Fait que ça. Je pense qu'à Saint-Félicien, malgré le fait qu'ils ne rentrent pas autant qu'à Roberval et à Dolbeau, mais je veux dire oui, là, à Dolbeau, ils ont changé le même prix qu'à Roberval, c'était 15$. Là. Mais je pense qu'aller jusqu'à 20$, c'est peut-être réaliste, c'est réalisable. Puis les gens, je pense pas que. Je te dis pas qu'en haut de 20$, là, ça sera un gros questionnement parce que là, c'est un autre dossier. Mais jusqu'à 20$, puis je pense qu'à Dolbeau, il aurait chargé 20$, puis il aurait rempli l'aréna quand même. Ouais, je pense qu'à Roberval, t'aurais chargé 20$ l'an passé, puis t'aurais, mais c'est, je veux dire, à un moment donné, t'abuses pas, mais ça aurait été correct, puis les gens auraient embarqué quand même à 20$. Ça fait que, Saint-Félicien pourrait, je pense, remplir le centre marin. Marianne Saint-Gelais, à 20$, sans aucun problème. Ouais, ouais. Ben, Hugo, ça me fait plaisir, encore une fois, que tu reviennes cette année. Donc, on rappelle évidemment que cette chronique est une commandite de une mécanique Jean Lapierre de Saint-Prime. Hugo Maltais, gros merci, puis on s'en reparle jeudi prochain. Parfait. Hugo Maltais, le président du hockey mineur de Roberval.